Premier cahier. Mon enfance, je suis tour à tour berger, charretier, garçon d'écurie, homme de confiance chez un marchand de chevaux. Je suis né à Douille-les-Belles-Fontaines, département de l'Yonne, en 1776, le 16 août, d'un père qui pouvait élever ses enfants avec de la fortune. Mon père eut 3 femmes. La première a laissé 2 filles. De la seconde, il lui est resté 4 enfants, une fille et 3 garçons. Le plus jeune avait 6 ans, ma sœur 7 ans, moi 8, et mon frère aîné 9 ans, lorsque nous eûmes le malheur de perdre cette mère chérie. Mon père s'est remarié une 3e fois. Il épousa sa servante, qui lui donna 7 enfants. Je fais le portrait de mon père. Il était aimable, sobre, n'aimant que la chasse, la pêche et les procès. Enfin, c'était le coq de toutes les filles et femmes de toute classe. En dehors de ses 3 femmes, il lui a été reconnu 28 garçons et 4 filles, ce qui fait 32. Je crois que c'est suffisant. Je suis, comme j'ai dit, de la seconde femme. La 3e était notre servante. Elle avait 18 ans. On l'appelait la belle. Aussi, au bout de 15 jours, elle se trouvait enceinte et par conséquent maîtresse de la maison. Vous pensez bien que cette marâtre prit toute l'autorité. Voyez ces pauvres petits orphelins battus nuit et jour. Elle nous serrait le cou pour nous donner de la mine. Cette vie durait depuis 2 mois lorsque mon père l'épousa. Ce fut bien le reste. Tous les jours, le père revenait de la chasse. « Mamie, disait-il, et les enfants ?»« Ils sont couchés, répondait la marâtre. » Et tous les jours, la même chose. Jamais nous ne voyions notre père. Elle prenait toutes ses mesures pour éviter que nous puissions nous plaindre. Cependant, sa vigilance fut bien déçue. Lorsqu'un matin, nous trouvant en présence de mon père, moi et mon frère, les larmes sur nos figures. « Qu'avez-vous » demanda-t-il. « Nous mourons de faim, elle nous bat tous les jours. Allons, rentrez, je vais voir cela. » Mais cette dénonciation fut terrible. Les coups de bâton ne se faisaient pas attendre, et le pain était retranché. Enfin, ne pouvant plus tenir, mon frère, l'aîné, me prit par la main et me dit « Si tu veux, nous partirons. Prenons chacun une chemise, et nous ne dirons adieu à personne. » De bon matin, en route, nous arrivâmes à Étai, à 1 heure de nos pénates. C'était le jour d'une foire. Mon frère met un bouquet de chêne sur mon petit chapeau, et voilà qu'il me loue pour garder les moutons. Je gagnais 24 francs par an et une paire de sabots. J'arrive dans le village qui se nomme Charnois. Il est entouré de bois. C'est moi qui servais de chien à la bergère. « Passe par là, » me disait cette fille. Comme je longeais le bois en détournant mes chèvres, il sort un gros loup qui refoule mes moutons et qui se charge d'un des plus beaux du troupeau. Moi, je ne connaissais pas cette bête. La bergère se lamentait et me disait de courir. Enfin, j'arrive au milieu de la scène. Le loup ne pouvait pas mettre le mouton sur son dos. J'ai le temps de prendre le mouton par les pattes de derrière, et le loup de tirer de son côté, et moi du mien. Mais la Providence vient à mon secours. 2 énormes chiens, qui avaient des colliers de fer, tombent comme à la foudre. Et dans un moment, le loup est étranglé. Jugez de ma joie d'avoir mon mouton et ce monstre qui gisait sur le carreau. Enfin, je servis de chien à la bergère pendant 1 an. C'était moi qui ramassais les miches de la semaine. De là, je pars pour la foire d'entrain. Je suis loué pour 30 francs. Une blouse, une paire de sabots, au village des Bardins, près de Menoux, chez 2 vieux propriétaires qui exploitaient des bois sur les ports et qui gagnaient de 12 à 1500 francs avec mes 2 bras. Il y avait 12 bêtes à cornes, dont 6 bœufs. L'hiver, je battais à la grange et couchais sur la paille. La vermine s'était emparée de moi. J'étais dans la misère la plus complète. Le 1er mai, je partais avec mes 3 voitures pour mener de la moulée sur les ports, et de là au pâturage. Tous les soirs, je voyais mon maître apporter ma miche pour mes 24 heures, qui consistait en une omelette de 2 œufs cuite avec des poireaux et de l'huile de chènevis. Je ne rentrais à la maison que le jour de la Saint-Martin, où l'on me faisait l'honneur de me donner un morceau de salé. En belle saison, je couchais dans les beaux bois de Madame de Damas. J'avais mon favori. C'était le plus doux de mes 6 bœufs. Aussitôt était-il couché que j'étais vers mon camarade. Je commençais par ôter mes sabots et fourrer mes pieds dans les jambes de derrière et ma tête sur son cou. Mais vers 2 heures du matin, mes 6 bœufs se levaient sans bruit, et mon camarade se levait sans que je le sentisse. Alors le pauvre pâtre restait sur la place, ne sachant de quel côté trouver mes bœufs dans l'obscurité. Je remettais mes sabots et je prêtais l'oreille. je m'acheminais du côté des jeunes bois, en rencontrant des ronces qui me faisaient ruisseler le sang dans mes sabots. Je pleurais, car mes coups de pied étaient fendus jusqu'aux nerfs. Souvent je rencontrais des loups sur mon passage, avec des prunelles qui brillaient, comme des chandelles, mais le courage ne m'a jamais abandonné. Enfin, retrouvant mes 6 bœufs, je faisais le signe de croix. Combien j'étais heureux. Je ramenais mes déserteurs vers mes 3 voitures qui étaient chargées de moulets. Et là, j'attendais mon maître pour les atteler et partir sur le port. De là, je revenais au pâturage. Le maître me laissait là le soir. Je recevais ma miche, et toujours les 2 œufs cuits avec des poireaux et de l'huile de chènevis. Et tous les jours, la même chose pendant 3 ans. La marmite était renversée sous la mets. Mais le plus pénible, c'était la vermine qui s'était emparée de moi. Ne pouvant plus tenir, malgré toutes les instances possibles, je quittais le village. Je reviens sur mon lancer pour voir si l'on ne me reconnaîtrait pas. Mais personne ne pensait à l'enfant perdu. Cela faisait 4 ans d'absence, je n'étais plus reconnaissable. J'arrive le dimanche, je vais voir ces belles fontaines qui coulent auprès du jardin de mon père. Je me mets à pleurer, mais étant plus fort que l'adversité, je prends mon parti. Je me débarbouille dans cette eau limpide, au lieu où naguère je me promenais avec mes frères et ma sœur. Enfin, la messe sonne. Je m'approche près de l'église, mon petit mouchoir à la main, car j'avais le cœur bien gros. Mais je tiens bon. Je vais à la messe, je me mets à genoux. Je fais ma petite prière, regardant en dessous. Personne ne faisait attention à moi. Cependant, j'entends une femme qui dit « Voilà un petit morvandiot qui prie le bon Dieu de bon cœur ». J'étais si bien déguisé que personne ne me reconnut. Mais moi, ce n'était pas la même chose. Je ne parle à personne. La messe finie, je sors de l'église. J'avais bien vu mon père qui chantait au lutrin. Il ne se doutait pas qu'il y avait près de lui un de ses enfants qu'il avait abandonné. J'avais fait 3 lieues, et j'avais grand besoin de manger à ma sortie de la messe. Je me dirige chez ma sœur du premier lit, qui tenait une auberge. Je lui demande à manger. « Que veux-tu, mon garçon, à dîner ?»« Madame, une demi-bouteille et un peu de viande et du pain, s'il vous plaît. » On me sert un morceau de ragoût. Je mange comme un ogre. Je me mets dans un coin pour voir tout le monde qui venait des campagnes faire comme moi. Enfin, mon dîner fini, je demande « Combien vous dois-je, madame ?»« 15 sous, mon garçon. » »« Les voilà, madame. » »« Tu es du Morvan, mon petit ?»« Oui, madame. Je viens pour tâcher de trouver une place. » Elle appelle son mari. « Granger, dit-elle, voilà un petit garçon qui demande à se louer. »« Quel âge as-tu ?»« 12 ans, monsieur. »« De quel pays es-tu ?»« De Menou. »« Ah, tu es du Morvan ?»« Oui, monsieur. »« Sais-tu battre à la grange ?»« Oui, monsieur. »« As-tu déjà servi ?»« 4 ans, monsieur. »« Combien veux-tu gagner par an ?»« Monsieur, dans mon pays, on gagne du grain et de l'argent. »« Eh bien, si tu veux, tu resteras ici. Tu seras garçon d'écurie. Tous les profits seront pour toi. »« Tu es accoutumé à coucher à la paille ?» « Oui, monsieur. Si je suis content de toi, je te donnerai 1 louis par an. »« Ça suffit, je reste. »« Alors, je ne paye pas mon dîner. »« Non, me dit-il, je vais te mettre à la besogne. » Il me mène dans son jardin, que je connaissais avant lui, et où j'avais fait toutes mes petites fredaines d'enfant. J'étais l'enfant le plus turbulent de l'endroit. Aussi mes camarades me couraient à coups de pierre, ils m'appelaient le poil rouge. J'étais toujours le plus fort, ne craignant pas les coups. Notre belle-mère nous y avait accoutumés. Mon beau-frère me mène donc dans son jardin, me donne une bêche. Je travaille 1 quart d'heure. Il me dit « Ça suffit, c'est bien. On ne travaille pas le dimanche. »« Eh bien, dit ma sœur, que va-t-il faire ?»« Il servira à la table. Viens chercher du vin à la cave. » Je prends un panier de bouteilles et je sers tout le monde. Je courais comme un perdreau. Le soir, on me donne du pain et du fromage. À 10 heures, mon beau-frère me mène à la grange pour me coucher et me dit « Il faut se lever du matin pour battre la fournée, et puis nettoyer l'écurie, bien propre. Soyez tranquille, tout cela sera fait. » Je dis à mon maître bonsoir, et je me fourre dans la paille. Jugé, j'y ai pleuré. Je puis dire que si l'on m'avait regardé, l'on m'aurait vu les yeux rouges comme un lapin, tellement j'avais chagrin, en me voyant chez ma sœur et surtout son domestique, et à la porte de mon père. Je n'eus pas de peine à me réveiller. Comme je n'avais qu'à sortir de mon trou et secouer mes oreilles, je me mets à battre le blé pour faire la fournée à 8 heures. Je passe à l'écurie, et je mets tout en ordre. Et à 9 heures, je vois paraître mon maître. « Eh bien, Jean, comment va la besogne ?»« Mais, monsieur, pas mal. Voyons la grange. Ce que tu as fait, dit-il, c'est bien travaillé. Ces bottes de paille sont bien faites. Mais, monsieur, à Menou, je battais tout l'hiver. Allons, mon garçon, viens déjeuner. » Enfin, le cœur gros, je vais chez cette sœur que ma mère avait élevée comme son enfant. J'ôte mon chapeau. Ma femme, dit-il, voilà un petit garçon qui travaille bien. Il faut lui donner à déjeuner. On me donne du pain et du fromage, et un verre de vin. Mon beau-frère dit, il faut lui faire de la soupe. Eh bien, demain, je me suis levé trop tard. Le lendemain, je me mis à l'ouvrage, et à l'heure, je fus mangé. Ah, pour le coup, je trouvai une soupe à l'oignon et du fromage, et mon verre de vin. « Ne sois pas honteux, mon garçon, dit-il, tu vas aller au jardin bêcher. »« Oui, monsieur. » À 9 heures, ma bêche sur l'épaule, je me mis à la besogne. Quelle fut ma surprise, je vois mon père qui arrosait ses choux. Il me regarde, j'ôte mon chapeau, le cœur bien gros, mais je tiens ferme. Il me parle. « Tu es donc chez mon gendre ?»« Oui, monsieur. » « Ah, c'est votre gendre. » »« Oui, mon garçon, d'où es-tu ? » ?»« Du Morvan. » »« De quel endroit ? » ?»« De Menou, je servais au village des Bardins. » « Ah, je connais tous ces pays. Connais-tu le village des Coignets ?»« Oui, oui, monsieur. »« Eh bien, il a été bâti par mes ancêtres. »« Ça se peut, monsieur. »« Tu as vu de belles forêts qui appartiennent à Madame de Damas ?»« Je les connais toutes, car j'ai gardé les bœufs de mon maître pendant 3 ans. »« Je couchais toutes les nuits sous les beaux chênes dans l'été. »« Ah, bien, mon garçon, tu seras mieux chez ma fille. »« Ça se peut. »« Comment te nommes-tu ?»« Jean. »« Et ton père ?»« On le nomme dans le pays l'amoureux. » Je ne sais si c'est son véritable nom. A-t-il beaucoup d'enfants ? Nous sommes 4. Que fait-il, ton père ? Il va dans les bois. Il y a beaucoup de gibier par là. On n'y voit que des cerfs et des biches et du chevreuil. Et des loups, s'en est plein. Ils m'ont fait bien peur des fois. Oh, j'avais trop de peine et je suis parti. C'est bien, mon garçon, travaille. Tu es bien chez mon gendre. Enfin, il me vient des voyageurs dans 2 voitures. Je mets les chevaux à l'écurie et le lendemain, je reçois 1 franc pour boire. Combien j'étais content. On me fit descendre à la cave pour rincer des bouteilles, et je m'en acquittais bien, car on me les faisait remplir. Alors le petit garçon d'écurie était propre à tout. Aussi, on me faisait frotter ferme. J'en par-ci, j'en par-là, je servais à table. C'était ensuite la cave, l'écurie, la grange, le jardin. Je voyais mon père et je disais « Bonjour, monsieur Coignet ». Je ne pouvais pas oublier ce nom, il était trop bien gravé dans mon cœur. « Bonjour, Jean, tu ne t'ennuies pas, mon garçon ?»« Non, monsieur, pas du tout. » Enfin, tous les jours, je gagnais de l'argent. Je finis par détruire la vermine. Au bout de 2 mois, j'étais propre. Mes dimanches me rapportaient, y compris les pourboires de l'écurie, 6 francs la semaine. Cette vie a duré 3 mois. Mon grand chagrin, c'était de ne plus retrouver mes 2 plus jeunes frères et sœurs. Je voyais tous les jours 2 camarades d'enfance qui étaient porte à porte. Je les saluais. Le plus jeune des 2 vint me voir. Je bêchais et mon père se trouvait dans son jardin. « Bonjour, monsieur Coignet, lui dit le jeune Allard. « Ah, te voilà, Philine !» C'était le nom de mon bon camarade. Et mon père s'en va. Alors la conversation s'engage. « Tu es de bien loin d'ici, me dit-il. « Je suis du Morvan. »« C'est donc bien loin, le Morvan ?»« Oh non, 5 lieues. »« Monsieur Coignet connaît mon pays. Il y a dans les environs de chez nous un village qui s'appelle le village des Coignets. Ah, ce vilain homme a perdu ses 4 enfants. Nous avons pleuré, nous deux, mon frère, de 6 bons camarades. » Nous étions toujours ensemble. Ils ont perdu leur mère bien jeune. Ils eurent le malheur d'avoir une belle-mère qui les battait tous les jours. Ils venaient chez nous, et nous leur donnions du pain, car ils jeûnaient et pleuraient. Ça nous faisait de la peine. Nous prenions du pain dans nos poches, et nous le leur portions pour le partager à nous 4. Ils dévoraient, c'était pitié à voir. Mon frère me dit, « Allons voir les petits Coignets, il faut leur porter du pain. » Mais quelle est notre surprise ! Les 2 plus vieux étaient partis sans qu'on puisse les trouver. Le lendemain, point de nouvelles. Nous disons ça à papa qui nous dit « Ces pauvres enfants, ils étaient trop malheureux, toujours battus. » Je fus demandé au petit et à sa sœur où étaient leurs 2 frères. « Ils sont partis, me dirent-ils. »« Et où ?»« Oh dame, je ne sais pas. » Mon père est venu demander au père Coignet « On dit que vos garçons sont partis ?» Mais il a répondu « Je crois qu'ils sont allés voir des parents du côté de la montagne des Alouettes. C'est des petits coureurs, je les recevrai à leur retour. » Mes 2 camarades me racontèrent ensuite que les 2 plus jeunes n'étaient plus à la maison. « Ces pauvres petits, dirent-ils, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Tout le monde crie après le père Coignet et sa femme. » À ce récit, les larmes m'échappèrent des yeux. « Vous pleurez, me dirent-ils ? Ça fait trop de mal d'entendre des choses comme cela. Dame, on les battait tous les jours, et leur père ne les a pas cherchés du tout. Il était temps que cette conversation finisse. Car j'étais au bout de mes forces, je ne pouvais plus tenir. » Je rentrai dans ma grange pour pleurer à mon aise, ne sachant pas ce que je devais faire, si je rentrerais à la maison accabler mon père de reproches et tombé sur cette furie de belle-mère, qui était la cause de notre malheur. Je délibère dans ma petite tête de ne pas faire de scandale. Je prends ma bêche et vais au jardin travailler. Quelle fut ma surprise de voir paraître ma belle-mère avec un petit marmot qu'elle tenait par la main. Oh, alors, je ne pus me retenir de voir cette furie de femme paraître devant moi. Je fus prêt à faire un malheur. Je quittai le jardin, la voyant s'approcher de moi. Je pars comme un trait du côté de l'écurie pour pleurer à mon aise. J'avais pris le jardin en horreur. Toutes les fois que j'y allais, je trouvais toujours le père ou la mère, que j'évitais autant que je pouvais. Combien de fois j'ai été tenté de passer par-dessus la séparation des deux jardins pour aller asséner un coup de bêche sur la tête de la mère et de son enfant. Mais Dieu retenait ma main, et je me sauvais. Maintenant, la scène change de face. La Providence vient à mon secours. Deux marchands de chevaux se présentent dans l'auberge de M. Romain. Gros aubergiste, pour coucher, mais le maître et la maîtresse se battaient à coups de fourche. Alors ces messieurs descendent chez ma sœur. Quelle joie pour moi de voir arriver deux beaux messieurs à la maison, et sur deux beaux chevaux. Quelle aubaine! Mon petit, dit-il, mène nos chevaux à l'écurie et donne-leur du son. Soyez tranquille, vous serez content. Ces messieurs vont à la maison, se font servir un bon souper, et après ils viennent à l'écurie, voir leur bidet, qui était bien pansé et dans la paille jusqu'au ventre. C'est bien, mon petit garçon, nous sommes contents de vous. Le plus petit me dit, « Mon jeune garçon, pourriez-vous venir nous conduire demain sur la route d'Entrain ? Nous allons à la foire, mais il faudrait que nos chevaux soient prêts à 3 heures du matin. »« Eh bien, messieurs, ils seront prêts, je vous le promets. »« Nous avons 3 lieues à faire, n'est-ce pas ?»« Oui, messieurs, mais il faut demander la permission à madame, pour que je puisse vous conduire. »« C'est vrai, nous lui demanderons. » Je donne l'avoine et le foin devant ces messieurs, et ils vont se coucher pour partir à 3 heures du matin pour la foire d'Entrain, que l'on nomme les Brandons. À 2 heures, les chevaux étaient scellés. Je vais réveiller ces messieurs et leur dis « Vos bidets sont prêts. » Je vois sur la table de nuit des pistolets et une montre. Ils la font sonner. 2 heures et demie. C'est bien, mon petit. Donne-leur l'avoine et nous partirons. Dites à madame que nous voudrions manger des œufs à la coque. Je vais faire lever ma sœur qui se dépêche. Je retourne à l'écurie préparer mes 2 bidets. Ces messieurs arrivent et montent à cheval. « Madame, vous nous permettez d'emmener votre domestique avec nous pour passer les bois ?»« Eh bien, va, me dit-elle avec ces messieurs. » Me voilà parti. Aussitôt, hors de l'endroit, ces messieurs mettent pied à terre, me mettent entre eux deux et me demandent combien je gagnais par an. Je puis vous le dire, c'est de l'argent, des chemises, une blouse, des sabots, et puis j'ai des profits. Je ne puis pas dire au juste ce que je gagne. « Eh bien, ça vaut-il bien 100 francs ?»« Oh oui, messieurs. » Comme vous paraissez intelligent, « si vous voulez venir avec nous, nous vous emmènerons. Nous vous donnerons 30 sous par jour. Nous vous achèterons un bidet tout scellé. Nous vous prendrons en passant ici. Si vous vous ennuyez chez nous, votre voyage sera payé. Messieurs, je le veux bien, mais vous ne me connaissez pas et l'on ne me connaît pas non plus dans l'auberge où je suis. Eh bien, vous allez me connaître. Je suis le frère de la grande dame chez qui vous avez couché. Ça n'est pas possible. Oh, je vous le jure. Comment ça se fait-il ? « Eh bien, si vous me permettez, je vais vous l'apprendre. »« Oh, alors, voilà qu'ils me serrent de près. Ils me prennent par le bras. Je vous promets qu'ils sont tout oreilles pour m'entendre. Voilà 4 ans que je suis perdu. Nous étions 4 enfants. Les mauvais traitements de notre belle-mère nous ont fait quitter la maison paternelle, et pas un ne m'a reconnu. Je suis domestique chez ma sœur du premier lit. Vous pouvez vous en assurer à votre passage. Et me voilà à pleurer. »« Allons, ne pleurez pas. Nous allons vous faire un mot d'écrit que vous remettrez à madame. » qui vous enverra à Auxerre pour aller chercher notre cheval qui est tombé à l'auberge de M. Paquet, près de la porte du temple. Voilà de l'argent et des assignats pour payer le vétérinaire et l'aubergiste. Cela fait 30 francs. Vous le ramènerez tout doucement. Vous lui ferez manger du son à Courson. Vous ne monterez pas dessus. Non, messieurs, il ne faut pas parler de moi à ma sœur. Soyez tranquille, mon jeune garçon. Remettez-lui ce petit mot et demain vous partirez pour Auxerre. Vous aurez bien soin de notre cheval. « Nous sommes à Entrain pour 8 jours. Quand vous verrez arriver nos chevaux, vous vous tiendrez prêt. Prenez seulement une chemise dans votre poche. Ça suffit. » Je quittais ces messieurs, le cœur bien gros. On me dit en arrivant, « Tu as été bien longtemps. »« Dame, ils m'ont mené bien loin, ces messieurs-là. Voilà une lettre qu'ils ont donnée pour vous, et de l'argent. Et des assignats pour aller à Auxerre, chercher un cheval qui est malade. »« Ah, ils ne se gênent pas, ces messieurs. »« Dame, voilà la lettre, ça vous regarde. » Il lit la lettre. « Eh bien, tu partiras à 3 heures du matin. Tu as 14 lieues à faire demain. » De la nuit, je ne ferme l'œil. Ma petite tête était bouleversée de tout ce qui venait de m'arriver. Je fais mes 7 lieues en 5 heures. J'arrive à 8 heures du matin chez Monsieur Paquet. Je trouve mon cheval bien portant. Je présente ma lettre et l'on m'envoie chez le vétérinaire qui donne un reçu de son paiement. Je reviens à l'hôtel, je règle avec Monsieur Paquet, je pars pour Druille et j'arrive à 7 heures à la maison bien fatigué. Faire 14 lieues dans un jour à 12 ans, c'était trop pour mon âge. Enfin, je soigne bien mon cheval. Je lui fais une bonne litière et je vais souper. Je remets les reçus et 3 francs du reste de l'argent de ces messieurs et je vais me fourrer dans la paille. Oh, comme j'ai dormi! Je n'ai fait qu'un somme. Le lendemain, j'ai pansé mon cheval, le plus propre possible, et j'ai déjeuné. « Tu vas battre à la grange, me dit mon beau-frère. Ça suffit. Je bats jusqu'à l'heure du dîner. Tu vas aller au jardin bêcher. Me voilà parti. Je trouve mon père et ma belle-mère. Te voilà, Jean. Oui, monsieur Coignet. Tu viens d'Auxerre? Oui, monsieur. Tu as bien marché? Connais-tu cette ville? Non, monsieur, je n'ai pas eu le temps de la voir. C'est vrai. » Et comme j'allais me retirer, j'entends ma belle-mère qui disait à mon père « La Granger a du bonheur d'avoir un petit jeune homme aussi intelligent. »« C'est vrai, lui répondit mon père. Quel âge as-tu ? » ?»« 12 ans, monsieur. »« Ah, tu promets de faire un homme. »« Je l'espère. »« Allons, continue. L'on est content de toi. »« Je vous remercie. » Et je me retire, le cœur gros. Tous les jours, j'allais au jardin voir si je verrais venir ces marchands de chevaux. On pouvait les voir d'une demi-lieue. Enfin, le 8e jour... je vois sur le grand chemin blanc beaucoup de chevaux descendre sur le bourg. Chaque homme ne menait qu'un cheval. Il n'était pas encore accouplé. Il y en avait 45. Ça n'en finissait pas. Je cours de suite à la maison pour prendre ma plus jolie veste, mettre une chemise et en mettre une dans ma poche. Je vais vite à l'écurie pour seller le cheval de ces messieurs. Je n'ai pas sitôt fini que je vois passer tous ces beaux chevaux, tous gris pommelés. Je n'osais parler à ces morvandiaux. Je pétillais de joie. La queue n'était pas encore passée que voilà ces messieurs qui arrivent dans la cour avec 3 chevaux. « Eh bien, mon petit garçon, et notre bidet, comment va-t-il »« Il est superbe. Mets ton pied à terre. Voyons cela. »« Comment, il est bien guéri. Il faut le remettre à notre garçon pour qu'il l'emmène. Il n'est pas encore passé. » Et leurs chevaux défilaient toujours. Leur piqueur passe. « François, prenez votre bidet. Suivez les chevaux. » Ma sœur paraît. Ces messieurs la saluent. « Madame, combien vous est-il dû pour la nourriture de notre cheval ?»« 12 francs, messieurs. »« Les voilà, madame. »« N'oubliez pas le garçon. »« Cela ne nous regarde. » Ma sœur m'aperçoit que je sortais le cheval. « Tiens, dit-elle, tu es habillé en dimanche ?»« Comme tu vois. »« Comment ? À qui parles-tu ? » ?»« À toi. »« Comment ? » ?»« Eh bien. » »« Eh oui, à toi. » »« Tu ne sais donc pas que ton domestique est ton frère ?»« Par exemple. » »« C'est comme cela. » »« Tu es une mauvaise sœur. » Tu nous as laissé partir, moi et mon frère, et mon petit frère et ma petite sœur, mauvaise sœur que tu es. Te rappelles-tu que tu as coûté 300 francs à ma mère pour apprendre le métier de lingère chez Madame Morin ? Tu n'as pas de cœur. Ma mère qui t'aimait comme nous, et nous avoir laissé partir. » Voilà ma sœur à pleurer, à crier. « Eh bien, madame, c'est bien la vérité que ce jeune enfant vous dit. Si ça est, ça n'est pas beau. Messieurs, ce n'est pas moi qui les ai perdus, c'est mon père. Ah, le malheureux, il a perdu ses 4 enfants. » Aux cris et lamentations de ma sœur, il arrive des voisins qui accourent de toutes parts pour me voir. « C'est un des enfants du père Coignet. En voici un de retrouver. » Et ma sœur et moi de pleurer. Un de ces messieurs qui me tenait par la main dit « Ne pleure pas, mon petit. Nous ne t'abandonnerons pas, nous. » Mes petits camarades viennent m'embrasser. Cette scène était touchante. Mon père, qui entend ce brouhaha, accourt. On dit « Le voilà, monsieur Coignet, qui a perdu ses 4 enfants. » « C'est mon père que voilà, messieurs. » « Voilà un de vos enfants, monsieur, et nous l'emmenons avec nous. »« Eh bien, dis-je, alors, père, sans cœur, qu'avez-vous fait de mes 2 frères et de ma sœur ? Allez donc chercher cette marâtre de belle-mère qui nous a tant battus. »« C'est vrai, crie tout le monde, c'est un mauvais père, et leur belle-mère est encore plus mauvaise. » Enfin, tout le monde était autour de moi, et ces messieurs me tenaient par le bras. « Allons à cheval, dit monsieur Potier, le plus petit des deux. »« En voilà assez. Partons, montez sur votre bidet. » Et tout le monde de me suivre, criant « Adieu mon petit, bon voyage !» Mes petits camarades viennent m'embrasser tous, et moi je pleurais à chaudes larmes en disant « Adieu mes bons amis !» Ces messieurs me mettent au milieu d'eux, et nous traversons entre 2 haies de monde, les hommes le chapeau bas, et les femmes de faire des révérences à ces messieurs, et moi de pleurer mon petit chapeau à la main. « Nous montons la montagne au trot, disent ces messieurs, rattrapant nos chevaux. Allons, mes petits, tenez-vous bien !» Nous dépassons les chevaux à la sortie des bois, et nous arrivons à Courson, à la grande auberge de M. Ravenot, où je visitais les écuries, et fit préparer tout ce qu'il fallait pour 49 chevaux. Ces messieurs commandent le souper pour 45 hommes, non compris les maîtres. Enfin, en arrivant, on forme les chevaux par 4 pour les accoupler le lendemain, et on les attache à deux longes. C'est la première fois que ces chevaux se trouvaient à côté l'un de l'autre. Il était temps que le foin et l'avoine fussent servis à ces gaillards. Je crois que nous n'aurions pu les contenir. C'était comme des furibonds qui se cabraient, et moi de taper dessus. Je ne les quittais pas d'un instant, et les maîtres de rire en me voyant frapper de l'un à l'autre. À 7 heures, ces messieurs viennent faire la visite, et font souper tous leurs hommes, qui étaient 45. Ils payent leur journée et retiennent les hommes qu'il fallait pour le lendemain. Ils commandent des gardes d'écurie pour la nuit et m'emmènent. « Allons souper, » dirent-ils. « Venez avec nous, mon garçon, nous reviendrons après les voir. » Quelle surprise de voir une table servie comme pour des princes. La soupe, le bouilli, un canard au navet, un poulet, une salade, du dessert, du vin cacheté. Mettez-vous là entre nous deux et mangez, comme vous êtes courageux. Le roi n'était pas plus content que moi. « Ah ça, » dit M. Potier, « il faut mettre une cuisse de poulet dans du papier avec du pain pour le manger le long de la route, parce qu'on ne s'arrête qu'à la coucher. Vous trouverez des garçons d'auberge qui vous attendront avec des grands verres de vin qu'ils donneront à chaque homme en passant sans s'arrêter, et tout sera payé. Vous vous tiendrez derrière autant que possible. »